Allô, c'est Alastair Sin du groupe From Hell. Vous écoutez Riff d'Enfer sur Arcusé 95 FM. Eh bien, bien le bonsoir à toutes et à tous, chers auditeurs, auditrices d'RQC 95 FM, bonsoir Slasher. Bonsoir Scream, ça va? Bien, tu vas en la forme? Oui, oui, très très bien la forme. Pas trop dur de recommencer comme ça le collège? Ça va, tant que je suis là avec vous sur Rive d'Enfer, etc., ça me va. Voilà, alors aujourd'hui on fait un petit coucou à Sylvain qui est parti se reposer, voilà, qu'elle se repose bien, qu'elle prenne l'air vivifiant de la côte, ça lui fera du bien, voilà. Alors au programme de cette émission, il y a plein de nouveautés, on est gâtés car tous les labels nous ont inondés, on n'arrête pas, on n'arrête pas, et ça nous fait super super plaisir, donc ça vient du côté de l'Allemagne, de l'Australie aussi. Maintenant, oui. Donc on est vraiment gâté de tous ces côtés là. Alors on va commencer très fort, Slasher, avec Alma. Ah. L'album s'appelle Evo. On va s'écouter Capital Punishment, pas mal du tout. On va commencer calmement, comme à l'habitude, dans Rive d'Enfer. Oui. Et on est avec vous jusque 22h, le Slasher et moi-même oui. Sur RQC 95 FM Rive d'Enfer. Yourself, stealing your guns, your pride and realm. Capital punishment falls on you. Beset with gloom, 'cause I walk like I've got oil. just like moons and like suns, with the certainty of tides. Still, I'll rise. Whoa! Eh bien, c'est pas mal du tout, hein, ça, Slasher. Hein. Franchement, c'est du bon, du bon, du bon. Voilà, l'album s'appelle EVO. Là, on s'écoutait Alma avec Capital Punishment. Vraiment, vraiment une petite bombe. Je vous conseille cet album. Encore une... Enfin, de toute façon, c'est beaucoup de nouveautés. Maintenant, on a... sans cesse de vous le répéter. La boîte mail pleine. Voilà, donc là, on va s'écouter. C'est des vieux de la vieille dans les années 90. Ils s'y visaient déjà dans du hard rock traditionnel. On peut me dire qu'il y a une touche un peu à l'époque extreme et tout ça. Mais bon, pas. Voilà, c'est le groupe Taiketo qui nous reviennent. Là, on va s'écouter le single qu'on a reçu de chez Frontières. On remercie Tonton Roger. Reach, c'est pas mal non plus. Et là, bien vite, l'album aussi, qu'on se fasse mal à nos petites oreilles. Can't Que du bonheur de retrouver le groupe Take It All. Là, c'est le single qui vient de sortir, qui s'appelle Reach. Ça fait vraiment penser aux années 80. Voilà, même si tu n'y étais pas encore né, hein, voilà. Oui. Mais tu en écoutes tellement. Aussi, on se voit bien sur les côtes en Californie, les cheveux dans le vent, en cabriolet, on écoute bien. C'est la musique à rouler, ça. Voilà, c'est comme ça que j'appelle. Take It All, avec le titre Reach. Nouvel album aussi qui s'appelle Master of the Universe. Le groupe s'appelle Palace. Et on va s'écouter No Exit, et après tout de suite on retrouvera la Slasher Song. L'album s'appelle Master of the Universe. C'était le groupe Palace avec le titre No Exit. Oui. Alors voilà, il est exactement 20h dépassé de 17 minutes à l'horloge notre studio. Et c'est l'heure d'écouter la Slasher Song. Donc aujourd'hui, on va partir vers l'Angleterre pour s'écouter un groupe de hard rock anglais qui nous vient de Lowestoft Sulfoc en Angleterre, comme je disais. Donc c'est un groupe de hard rock qui est certainement très connu. Donc c'est le groupe The Darkness. Donc dans les membres, il y a Justin Hawkins au chant et au clavier, Dan Hawkins à la guitare, Frankie Poulain à la basse et Rufus Tiger Taylor à la batterie. Donc c'est un groupe qui a été formé en 2000, donc jusqu'à maintenant, vu que le groupe existe toujours. Donc c'est un très très très très bon groupe, franchement ça dépote bien bien bien. Et donc là on va partir vers l'album qui est sorti en 2015, l'album Last of Our Kind. Et on va s'écouter la chanson Barbarian qui parle de vikings sur leur bateau en train de se battre et tout. Le clip est en animé, donc en tout ce qui est dessin animé et tout. Mais quand même assez violent, mais c'est un très très bon clip à voir. On se marre quand on le regarde, quoi. Mm-hmm. Quand on voit les graphismes et tout, on voit à la fin les membres du groupe qui se font tabasser et tout. C'est vraiment délirant. Donc on va s'écouter Darkness avec la chanson Barbarian de l'album Last of Our Kind. C'est parti. Alors, c'est le Slasher sur RQC 95 FM sur Rive d'Enfer. Et là, on va s'écouter ma Slasher Song. One by one, the kingdoms fall. They looked upon this isle and took it all. Harbingers of pain. Edmund the Martyr cut down by a Dane on the orders of Ivar the Boneless. Barbarian. Oh, que c'était The Darkness avec le titre Barbarian de l'album Last of Our Kind. Voilà, donc c'était le choix du slasher. Hein, oui, voilà. Oui. Alors, on va poursuivre la programmation aujourd'hui de ce lundi. Donc, hein, vous êtes avec Scream et le slasher jusqu'à 22h pour l'émission Rive d'Enfer. Là, on va un peu se réveiller. On a commencé gentiment. Hein. On va continuer, on va un peu augmenter la dose. On va d'abord s'écouter Not Above Evil avec Adrenaline, extrait de l'album Always Darkest Before. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est là. C'est dans vos petites oreilles. C'est ce qu'on appelle dans le jargon brut de décoffrage quand même, un Not Above Evil avec le titre Adrenaline. L'album s'appelle Always Darkest Before. Ça déboîte. Hein. Alors le prochain c'est Poseidon. Ça nous a été envoyé par Mike de Kuhn. Je lui fais un petit coucou à Mike. Et on va s'écouter The Tempest. Et tout de suite, c'est là. C'est juste là. Là. Escape! No escape! Voilà, donc on remercie Mike Ducoun de collaborer avec Rive d'Enfer. Hein. Là, c'était Poseidon avec The Tempest. C'est tout nouveau, c'est tout frais. Encore une nouveauté un peu dans le black comme ça. Hein. C'est le nouveau Anal Natrak. Ah, Anal Natrak qu'on avait vu à l'aéronef. Les 20 ans, je crois, de Loudblast. Un peu plus que 20 ans, je crois. Oui. Voilà, donc pour l'anniversaire de Loudblast, avec il y avait BBA, Anana Track et tout le reste. L'album s'appelle The Wall of the Law. On va s'écouter Deprative Favour de Bold. C'est Anana Track, c'est nouveau, c'est tout frais, c'est sous Rive d'Enfer. Voilà, le titre s'appelle Depravity Favour de Bolt, c'était Anal Natrak, l'album s'appelle The Wall of the Law, c'est nouveau, c'est tout frais. Alors là on va changer carrément de répertoire, on va passer avec des voix féminines, on va s'écouter le nouvel extrait de l'album de D-Lane, on va s'écouter un titre qui s'appelle The Hurricane, l'album s'appelle Moon Bather, on va s'écouter donc petite nouveauté de D-Lane. Your voice is thunder, burning up my soul. My voice is rain. We're going under, nothing will remain. We'll be the hurricane. We'll be the hurricane. And I can't. Don't try in vain. You can't keep me. let it thunder over you. All the times that I try to make you scream, all the anger and trouble to redeem, let it thunder over me, my love. Please let it thunder. Voilà, donc c'est le nouveau Dylan Moonbrother, c'était The Hurricane. Voici, voilà. On va essayer de rester un peu dans les voix féminines, hein. Peut-être pas dans le sujet, parce que on va s'écouter Mad Marguerite avec Never Enough. L'album s'appelle Love, Hate and Deception. C'est tout de suite, c'est là, et ça, c'est pas mal non plus. Time. Alors là, je dis oui tout de suite. Il y a quand même Mad Marguerite avec le titre Never and Out, Love, Hate and the Deception. Ça décoffre, c'est génial. Vraiment, vraiment. C'est vraiment, vraiment top de chez top. Encore du lourd avec Dante Fox. L'album s'appelle Breathless. On va s'écouter le titre éponyme de cet album qui est vraiment géant. Give me the irony. Voilà, c'était Dante Fox avec Breathless, extrait de l'album aussi du même titre, éponyme, Breathless. Il est exactement... À peu près 20h50. 20h46 exactement, à l'horloge entre studios, vous êtes bien branchés avec le slasher Scream sur RQC 95FM pour l'émission Rive d'enfer de 20h à 22h tous les lundis. Voilà. Alors là, je sais qu'elle n'est pas là, mais ça lui refait quand même plaisir d'avoir sa Sylval Song, et on va la jouer, sa Sylval Song. C'est un titre, à mon avis, qu'elle aura apprécié, qu'elle aurait peut-être mis dans sa programmation. On va s'écouter la Sylval Song de ce jour. Eh oui, les métalleuses et les métalleux, c'est l'heure de la Sylval Song. Voilà, donc même si elle n'est pas là, c'était la Sylval Song avec Tango Down, avec Give Me The Reason, l'album s'appelle Bulletproof. C'est du bon, c'est du très une bon. Très bonne Sylval Song. Voilà, une très bonne Sylval Song quand même. Hein. Ouais. Alors, on poursuit cette programmation musicale avec on va un petit peu réveiller les tympans, avec Brutally Deceased, avec le titre Hostile Hearts. L'album s'appelle Satanic Corpse. Ouais, ça décoffre, hein. Oui, ça décoffre bien. Brutally Deceased avec Hostile Hearts. L'album s'appelle Satanic Corpse. Juste encore avant la balade, on va encore s'écouter un petit truc de brut de décoffrage. Et après, ce sera la balade, on peut dire crapuleuse, oui et non. On peut considérer ça comme une balade, on verra ça tout de suite après. Le titre qu'on va vous passer qui s'appelle tout simplement Son of the Desert. L'album s'appelle Sulfur and Rain. Le groupe s'appelle Principality of Hell. Et après, ce sera la balade crapuleuse. Voilà, donc l'album s'appelle Sulfur and Bane, le groupe s'appelle Principality of Hell. Et le titre c'est Son of the Desert. Voilà, c'est du lourd. Hein, oui, du bon black metal. On peut dire. C'est comme du black metal. Black, un peu doom, une touche un peu doom sur le côté. Oui. Voilà, il est exactement 21h dépassée de 1 minute à l'horloge entre studios. C'est l'heure de. Balade crapuleuse. On peut dire la balade crapuleuse ou tout simplement une très très belle chanson avec des très bonnes paroles mélangées en anglais, en français. C'est monsieur Dave Mustaine qui s'est amusé à l'écrire à un moment donné de sa vie où il a failli passer l'arme à gauche et quand il s'est rendu compte quand même qu'il a fait beaucoup de conneries, il a composé la chanson à tout le monde. Je vous aime, je dois partir. Tout est dit dans ces paroles en français. Hein. Et l'album s'appelle Euthanasia, on va s'écouter. Moi j'ai choisi comme balade crapuleuse, vous pouvez peut-être dire ouais c'est pas une balade, non c'est pas une balade mais c'est pas bourrin. On peut qualifier ça comme une très très belle chanson, avec voilà. Des paroles profondes. Voilà, à tout le monde, Megadeth, extrait de l'album Euthanasia, c'est le choix de la balade de ce soir. Don't remember where I was. I realized life was a game. More seriously, I took things. The harder the rules became. I had no idea what it cost. My life passed before my eyes. I found out how little I accomplished. All my plans tonight. So as you read this, know my friends, I'd love to stay with you all. Smile when you think of me. My body's gone, that's Voilà, c'était Megadeth. Avec la chanson Tout le monde. Et c'était la très belle chanson avec de profondes paroles. Voilà, donc extrait de l'album Euthanasia. C'était la balade de ce lundi. Alors, on continue cette programmation avec Guns. Non, pas N' Roses, mais Guns of Glory. L'album s'appelle Starfing Run. Et on va s'écouter One You Need. C'est encore une nouveauté. L'album s'appelle Starfing Run, le titre c'est One You Need, c'est Guns of Glory, nouveauté. Alors on continue avec l'album s'appelle tout simplement Memorial Roots, Root Rooted. Et oui, c'est un grand titre pour un album excellent, le nouveau Brimstone. Et on va s'écouter Shiver qui déboîte de chez déboîté. Shiver. Oui. cause you let me fall astray. For all the sorrow that I see, the purpose is all gone. And you think there's nothing left to say. We should have done things differently. But different worlds always collide in me. And I'm running out of nowhere. There's nowhere left to hide. And I'm on my way to nowhere. It's me against you all. And I see the down your spine. You tried to pull the strings of my memory. Break my walls in two. How keeping you from getting in? No word that I can say. I can't explain all that you put me through. You put me through. I'm drowning with you by my side. The pain of mine just tears me down inside. And I'm running out of nowhere. There's nowhere left to hide. And I'm on my way to nowhere. It's me against you all. And I shiver down your spine. You're in the paramount tonight. Ce que je peux vous dire, c'est que l'album est dans le même acabit. Donc l'album s'appelle Memorial Roots Riveted. Et c'était Brimstone avec Shiver. Ça se lance encore un très très bon album. Oui, oui, oui. Et la pochette, vous pouvez retrouver tous les covers comme ça, toutes les couvertures sur la page Rive d'Enfer. Alors, on poursuit cette programmation. Il est exactement 21h15. Alors Loge entre studios, vous êtes bien avec le Slasher et moi-même, Scream. Oui, sur RQC 95 FM, Rive d'Enfer, tous les lundis de 20h à 22h. Voilà, on va s'écouter Cruz avec Survive. To move along. decide what to believe in. You better stay. C'est ce qu'on appelle de la OR, Cruise avec Survive. L'album va bientôt arriver, on vous passera un autre extrait de cet album bientôt. King Company, l'album s'appelle One for the Road, la pochette elle est très très sympatoche. On va s'écouter Coming Back to Life. Avec l'album qui s'appelle One for the Road et c'était Coming Back to Life, très bon, d'ailleurs. Ça bouge très très bien. C'est bien, et c'est bien, ils en font pas trop, pas assez, c'est juste ce qu'il faut. Et c'est ce qu'on aime bien ici dans Riff d'Enfer. On poursuit avec Inciter, l'album du titre du groupe du même titre, d'ailleurs Inciter. Et on va s'écouter Addicted, ça va un peu décoiffer un peu plus quand même, ça. C'est du trash. Retenez bien ce nom, Inciter, le groupe donc, hein, l'album s'appelle aussi du même nom, Inciter, et on s'écoutait Addicted. On poursuit avec Kiki Chance, avec Breaking Out, extrait de leur EP. Yeah. Voilà, donc juste à l'instant, c'était le groupe Kitchens avec le titre Breaking Out. Voilà, et l'EP s'appelle du même nom, donc voilà, voilà. Il est exactement 21h30 à l'horloge de notre studio, elle n'est pas là au téléphone aujourd'hui non plus. Il s'agit de la Sonia Tassogne, et elle a choisi de nous faire écouter extrait du dernier album de Equilibrium, donc l'album s'appelle Armageddon. C'est un groupe allemand, hein. On va s'écouter Born to be Epic, donc de Equilibrium, nouvel album qui n'est pas mal dans le genre non plus. On l'a reçu déjà il y a un bon petit temps. On devait vous passer un titre, mais on n'a pas eu le temps avec la spéciale Remfest. Voilà, Equilibrium, c'est la Sonia Tassogne, Born to be Epic. Voilà, donc c'était la Sonia Tassogne avec Equilibrium, Born to be Epic. Voilà, on poursuit cette programmation avec encore une nouveauté, Hardline, avec un titre Where Will We Go From Here. C'est nouveau, c'est tout frais. Et là, c'est une exclusivité single aussi. Avec Where Will We Go From Here, ça déboîte, on attend l'album aussi avec impatience pour voir si ça va être du même acabit, et à mon avis ce sera du même acabit. On poursuit avec un extrait d'un album live, l'album s'appelle Mechanical Resonance Live, il s'agit du groupe Tesla avec Too Late For Love de Tesla. I want to drink. always got me on a little cowboy getaway. Running hard, I'm a rock and roll man. I know we can make it a ghost, and all you gotta do is try. Telling you all I wanna do is rock and roll. Too late for love, baby, it's too late. Feel this way. Don't you know that it's too late for love? Foolish heart, getting caught up in lover's game. That's the way some want it to be. And all you gotta do is try. Telling you all I wanna do is rock and roll. Too late for love, baby, it's too late. Too late for love, girl, I gotta say that it's you I know that makes me feel this way. Don't you know that it's too late for love? Well now, baby, it's too late. Too late for love. Mais que c'est bon Tesla quand même en concert, c'est encore vraiment, mieux. Vraiment encore mieux. L'album s'appelle My Chemical Resonance Live. Et là, on s'est écouté Too Late for Love de Tesla DJM avec Ghost of Insanity. L'album s'appelle The Passage. C'est tout de suite, c'est maintenant sur RQC 95 FM dans Riff d'Enfer. Il est excellent cet album de DJM. L'album s'appelle The Passage. Et là, on s'écoutait Ghost and Sanity. Et même, tu as reconnu hein, aussi. Oui, hein. La voix de Tamon Glen. Voilà, qui est le chanteur de Evergrey. On poursuit encore avec une petite nouveauté. L'album s'appelle tout simplement Concussion Proctol. Il s'agit de Vicious Rimour avec Victim of Digital World. C'est un groupe que j'apprécie très fort, Vicious Rimour. Oh, Concussion Proctol, c'est le titre de l'album et c'est Victim of the Digital World. On poursuit avec une réédition The Roots avec Can't Get Enough the Fun. Voilà, c'est une petite réédition, hein, The Woods avec Can't Get Enough of the Fun, et ça de In the Road. Voilà. Oui, une très très bonne réédition. Voilà, il est bientôt l'heure de se quitter. Nous, on va vous laisser avec Underground Transmission. Je vais te demander en live, là, comme ça, c'est quoi aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui. Attends, je te monte le micro, vas-y. Bonsoir, Eric. Bonsoir, les vacances fut bonnes. Hein. Salut, Eric. C'était magnifique. Ouais. Les vacances fut bonnes, et en plus de ça, vous revenez avec un vacancier. On va dire ça comme tout ça. Tout à fait, voilà. C'est ça. Voilà. Donc... Et en itinérance en Europe, donc le Midnight Monkey Radio Show reprend avec la BO de l'été, les coulisses musicales de tout ce qui nous a glissé dans les oreilles pendant ces beaux jours. Et on est revenu avec dans nos oreilles un Canadien, DJ Gabi, qui nous fait le plaisir d'être avec nous grâce au hasard du calendrier. Voilà, et on va d'ici quelques minutes vous allez retrouver donc Underground Transmission. Je vois un truc qui est génial là, c'est le grand Jojo, on a soif, c'est pas mal, j'espère, enfin vous allez, on verra tout ça après. Allez, nous on va se quitter avec Sodom, extrait de l'album Decision Day, un apport japonais avec Rolling Thunder. Nous le slasher, Sodom qui était au Hellfest l'année dernière, Hellfest 2015. Ouais, voilà, oui. Très très bon show. Ouais. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour une émission Rive d'Enfer. Sinon mercredi il y a une nouvelle émission qui commence, Backstage, où on vous parlera des coulisses d'un album, des coulisses d'un live. Et on vous parlera un petit peu de lundi du Rem Festival qu'on va aller voir vendredi et samedi avec plein d'interviews. Et voilà. Allez, ciao les amis. Ne quittez pas Underground Transmission. En plus de ça, avec un Canadien. Riez pas de son accent, il n'y en a pas beaucoup. Franchement, je crois qu'on a moins d'accent que nous quand on y va. En même temps, t'es un peu liégeois, toi. Ouais, je suis un peu liégeois. Ouais. Des gaufres de Liège. Allez, Sodom. Ciao les amis.